passerai la nuit à m'enquérir. Tu es tellement belle, je suis tellement fier de rêver sans ronfler. Et les petits bouquets ractiles, ils avaient un bout de framboise aussi. À la terreur de ma bouche, c'était la fête, je suis une heureuse ventouse. Les patatras, je ne me souviens plus. Je l'avais tout aimé sur ta poitrine. Sur ta poitrine, je passerai la nuit à m'énanquer. Tellement belle, je suis tellement fier de rêver sans plus. Le matin est là, comme une guerre, un génocide. Je te rends ton corps, je te rends ta peau, avec toutes mes envies.